إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما وإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وإن شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد Donc on commence aujourd'hui le cours numéro 2 dans l'explication du livre Al-Muhkam wal-Mutashabih fi al-Takfir wal-Jihad. Et donc aujourd'hui c'est la deuxième partie, on continue à expliquer des règles qui ont rapport avec le Muhkam et le Mutashabih. Et donc on est rendu à la partie où le cheikh explique les différentes utilisations ou applications relié à Al-Muhkam ou Al-Mutashabih. Donc les différentes utilisations du terme Mutashabih en particulier. Le Cheikh il dit wa qala Ahmad ibn Hanbal rahimahullah Al-Mutashabih alladhi yakunu fi mawdi'in kadha wa fi mawdi'in kadha mukhtalif wal-Muhkam alladhi laysa fihi ikhtilaf. Donc, Cheikh Mohamed Bazmoul, hafizahullah, il explique pour commencer que l'imam Ahmad, rahimahullah, qui est mort en l'an 241, il dit à propos du Mutashabih dans son livre Masail Ahmad ibn Hanbal, il dit à Mutashabih, c'est la parole qui dans un certain contexte, elle a telle signification, et dans un autre contexte, elle a telle signification qui est différente. Tandis que le muhkam, c'est qu'est-ce qui est clair. Donc le mutashabih, c'est qu'est-ce qui a une signification dans un tel endroit, et dans un autre endroit, elle a une autre signification qui est différente. Tandis que qu'est-ce qui est muhkam, c'est qu'est-ce qui est clair, c'est-à-dire qu'est-ce qui, il n'y a pas de divergence. Aux différences entre les dans les différents endroits où ils sont, où le mot est utilisé ou le terme est utilisé. Donc c'est compris? Ok. Donc il y a beaucoup de mots comme ça. Il y a beaucoup de termes comme ça. Parfois tu l'utilises, il est mentionné dans un verset, il a une signification. Et le même mot des fois dans un autre verset, il a une autre signification. Et la même chose dans les hadiths. Donc ça c'est ce qu'on appelle mutashabih. Tandis que le muhkam, c'est qu'est-ce qui est clair, c'est-à-dire dans chaque verset, dans chaque hadith, ça a toujours la même signification. Donc ça, c'est une définition ou une façon d'expliquer qu'est-ce que c'est le muhkam et le mutashabih. Le Cheikh dit, وَيَأْتِي إِطْلَاقُ الْمُتَشَابِهِ وَالْمُحْكَمْ عَلَى ثَلَاثِ إِطْلَاقَاتِ وَهِيَ التَّالِيَةِ الأول المتشابه الأول المتشابه هو المنسوخ ومقابله المحكم وهو الثابت حكمه وهنا الإحكام في إبقاء الحكم عند من قابله بالنسخ الذي هو رفع ما شرع وهو استلاحي. Donc ici le Cheikh explique que le muhkam et le mutashabih il est utilisé de trois façons ou pour trois utilisations ou trois significations générale, si on veut. Donc, la première exemple, c'est qu'est-ce qui est mansour. Donc le mutashabih, c'est qu'est-ce qui est mansour et par opposition à qu'est-ce qui est pas mansour. Donc mansour, on sait qu'en arabe ça veut dire abrogé, qu'est-ce qui a été abrogé. Et donc qu'est-ce qui est mutashabih, c'est qu'est-ce qui a été abrogé par un autre texte. Qu'est-ce qu'il y a, l'abrogé et l'abrogeant. L'abrogeant, c'est qu'est-ce qui est muhkam, et l'abrogé, c'est qu'est-ce qui est mansour, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mutashabih. Hein? Donc, le mutashabih, il a été abrogé. Son verdict, il a été abrogé. Tandis que, qu'est-ce qui est abrogeant, c'est-à-dire qu'est-ce qui est muhkam, et c'est la chose où la chose dont le verdict est resté ferme et stable. D'accord? Et ça, c'est bien entendu, comme le cheikh il dit, wa istilahi, c'est-à-dire c'est quelque chose qui est ça a été déterminé par les ulama. C'est des termes qui ont été expliqués ou ramenés par les ulama. La deuxième utilisation de al-muhkam et al-mutashabih, le cheikh il dit, dans la deuxième utilisation, al-thani al-mutashabih. ما ترك ظاهره لمعارض راجح ومقابله المحكم فالعام المخصص متشابه فالعام المخصص متشابه والمخصص محكم والمخصص محكم فالعام المخصص متشابه والمخصص المحكم والمطلق والمطلق المقيد متشابه والمقيد محكم والمجمل متشابه وإحكامه رفع ما يتوهم فيه من المعنى الذي ليس بمراد. Donc ça c'est la deuxième utilisation du terme متشابه. C'est par exemple lorsque le sens apparent d'une chose est opposé par une preuve qui est plus claire ou plus valide comme dans sa signification. Donc parfois il y a un terme, ok, et en apparence il peut avoir telle signification, sauf que cette signification apparente, c'est pas celle-là qu'on va prendre comme signification, parce que il y a une autre preuve ou un dalil qui vient clarifier que la signification apparente dans ce texte-là, elle n'est pas voulue. D'accord? Donc dans ce cas-là, on voit que le sens qui est pris, donc le sens qu'on va accepter, c'est le sens qui est clarifié par un autre texte. Et dans ce cas-là, on appelle ce texte-là qui est clarifié par un autre, ou expliqué par un autre, ou restreint par un autre, on l'appelle le mutashabih. Donc c'est là que, quand on regarde dans les livres de Usul al-Fiqh, c'est les termes qu'on retrouve dans les chapitres qui parlent de qu'est-ce qui est am et qu'est-ce qui est khas. Am, ça veut dire qui est général. Khas, c'est qu'est-ce qui est particulier. Qu'est-ce qui est, il y a aussi deux autres termes qu'on utilise aussi, c'est le mutlaq et le muqayyad. Qu'est-ce qui est mutlaq? C'est qu'est-ce qui est pas restreint, qui est pas limité. Et qu'est-ce qui est muqayyad? C'est qu'est-ce qui est restreint et qu'est-ce qui est limité. Restreint et limité dans le sens de, par exemple, qui a été restreint par une description spécifique, ou par une façon spécifique, ou une couleur spécifique. Donc des fois par exemple Allah subhanahu wa ta'ala va dire dans le Coran, juste pour vous donner un exemple, libérer un esclave. Donc ça, on peut dire que c'est pas restreint, tu libères n'importe quel esclave. Puis dans un autre hadith c'est écrit libérer un esclave croyant, donc l'esclave il a été restreint dans sa signification par qu'est-ce qui est, une description supplémentaire qui vient clarifier que c'est pas n'importe quel esclave qu'il faut libérer, c'est un esclave croyant. Donc ça c'est un exemple. Et il y a d'autres, deux autres termes aussi qu'on utilise qui ont la même, qui sont proches aussi. C'est qu'est-ce qui est mujmal et qu'est-ce qui est mubayyan. Mujmal et mubayyan. Mujmal, c'est qu'est-ce qui est, disons, général aussi ou global. Qu'est-ce qui n'a pas été clarifié par lui-même. Et mubayyan, c'est qu'est-ce qui a été clarifié par un autre. Qu'est-ce qui a été clarifié. C'est ça. Donc, mujmal, c'est qu'est-ce qui est laissé vague, hein, ou laissé sans l'expliquer de façon explicite. Puis, mubayyan, c'est qu'est-ce qui a été expliqué et clarifié. Et quand on regarde dans les livres de Usul, les ulama expliquent souvent en disant que qu'est-ce qui est mujmal, c'est qu'est-ce qui a besoin d'un autre texte pour être clarifié. Puis, qu'est-ce qui est mubayyan, c'est qu'est-ce qui est clair par lui-même, qui n'a pas besoin d'un autre texte pour être clarifié. Donc, dans ces trois cas-là, qu'est-ce qui est, par exemple, quand je dis les trois cas, c'est-à-dire qu'est-ce qui est âme, général, ou mutlaq, c'est-à-dire qui est pas restreint, et qu'est-ce qui est mujmal, c'est, dans ces trois cas-là, c'est qu'est-ce qu'on appelle mutashabih, ces utilisations-là, parce qu'ils ont besoin de quelque chose extérieur, pour être expliqué. Quand on dit extérieur, c'est-à-dire un autre texte de la charia pour venir le clarifier. Hein? Et il y a des exemples de ça, bien entendu, détaillés dans les livres de Usul al-Fiqh. Donc ça, c'est la deuxième exemple. Et la troisième utilisation, c'est al-mutashabih min jihati rumud al-laf ou al-ishtirak ou al-tawatu. Donc c'est dans le sens que aussi on appelle mutashabih un mot lorsque, par exemple, ou bien un mot ou plusieurs, par exemple, lorsqu'ils ne sont pas clairs, leur signification est obscure ou c'est des mots très rares qu'on n'utilise pas, qu'on n'emploie pas souvent, donc on ignore leur signification. Donc il faut retourner à des dictionnaires parfois pour les comprendre comme il faut, parce que c'est des mots qu'on n'emploie plus. Il y a parfois aussi des mots qui sont mutashabih par rapport au fait que ce sont des mots qui peuvent avoir des significations communes et proches, des mots différents qui peuvent avoir des significations communes et proches, ou bien parfois que ce sont des mots qui peuvent avoir la même signification parfois, des mots différents qui peuvent avoir la même signification. Donc, ça peut créer parfois de l'ambiguïté ou bien des interprétations parfois équivoques. Hein? Des fois, tu utilises le même mot que quelqu'un d'autre, mais tu ne penses pas à la même signification. Des fois, tu utilises des mots différents qui ont la même signification, mais parce que ce sont des mots différents, on pense que c'est deux significations différentes alors que c'est la même. Voilà, donc, c'est deux cas opposés hein, qui arrivent souvent. Et le Cheikh il dit: وَيُمْكِنُ أَنْ يَعُودَ هَذَا الثَّالِثِ إِلَى الثَّانِي فَيَصِيرُ لِلْمُتَشَابِهِ إِطْلَاقَانِ وذلك أن غموض اللفظ من جهة الاشتراك أو التواطؤ هو من المجمل والله أعلم. Donc le cheikh il dit on peut faire rentrer donc ce troisième exemple là qu'on a mentionné dans la deuxième en disant que lorsque le terme il n'est pas clair à cause du fait que il peut avoir des mots peuvent avoir une même signification ou bien des mots différents peuvent ou des mots peuvent être le même mais avoir des significations différentes, on peut dire que ça rentre dans qu'est-ce qui est mujmal, c'est-à-dire qu'est-ce qui a besoin d'être clarifié par quelque chose d'autre, ça voudrait dire qu'il y aurait en réalité que deux significations pour le terme mutashabih au lieu de trois, c'est-à-dire qu'est-ce qui est mansour, qu'est-ce qui a été abrogé, et qu'est-ce qui nécessite quelque chose d'autre pour être compris, un autre texte pour être compris. Donc, avec les différents exemples qu'on a mentionnés, soit le âme ou le mutlaq et le mujmal, par opposition à qu'est-ce qui est khas, et qu'est-ce qui est muqayyad, et qu'est-ce qui est mubayyin. Bon, tout ça, c'est des choses qu'on étudie lorsqu'on étudie Usul al-Fiqh, puis dans les livres qui sont élaborés, très élaborés dans ce domaine-là, il y a des exemples de chaque cas avec des versets, des hadiths, et les ulama ils clarifient ces significations-là. Peut-être qu'à notre niveau, on n'a pas vraiment besoin de connaître les détails de ces choses-là, mais on les mentionne juste pour, disons, avoir une petite idée de qu'est-ce que ça signifie, puis savoir que c'est des choses qui existent dans la charia, et justement ça peut être employé ou exploité par des gens bid'ah pour justement déformer le sens des versets ou des hadiths lorsque les gens ignorent que justement ce sont des choses qui existent dans la charia. Bon, ensuite le cheikh disons qu'est-ce qu'il fait ensuite. Il fait juste élaborer un peu plus sur les exemples qu'il a donnés, et on peut résumer qu'est-ce qu'il va dire ensuite en disant que qu'est-ce qui est muhkam et qu'est-ce qui est mutashabih, c'est que, comme on l'a résumé depuis tout à l'heure, qu'est-ce qui est muhkam, c'est qu'est-ce qui se comprend par lui-même, qu'est-ce qui est clair par lui-même, et qu'est-ce qui est mutashabih, c'est qu'est-ce qui a besoin de quelque chose d'autre pour être clarifié. Donc qu'est-ce qu'on va faire ici, on va le lire mais on va pas le traduire, puisque c'est juste, le cheikh il fait juste élaborer sur des choses qu'on a déjà dit, puis les détails qu'il rajoute, ça ne va pas rajouter grand chose à notre niveau, ou bien par rapport à la langue française, ça ne va pas vraiment rajouter quoi que ce soit vraiment. Donc le cheikh dit, wa yataharraru min hadhihi al-itlaqat anna al-mutashabih ma yaftaqiru lil-wusul ila ma'nahu al-murad minhu ila ghayrihi. فلا يفهم معناه من لفظه ويحتاج إلى دليل آخر يفسره. والمحكم هو الذي لا يحتاج للوقوف على معناه المراد منه إلى غيره، ولذلك كان المتشابه يرد إلى المحكم ليبين ويزيل اشتباهه. OK. Donc juste ce point là peut-être, parce que c'est un point important. Le cheikh il explique que qu'est-ce qui est mutashabih, comme on a dit, c'est qu'est-ce qu'il y a besoin pour nous donner la signification voulue. On a besoin, pour arriver à la signification voulue, pour comprendre qu'est-ce qui est voulu de sa signification, de quelque chose d'autre qui vient expliquer et qui vient clarifier sa signification. Et qu'est-ce qui est muhkam, c'est qu'est-ce que tu n'as pas besoin de quelque chose d'autre pour savoir qu'est-ce qui est la signification voulue de ce terme-là. Donc on a besoin de ramener qu'est-ce qui est mutashabih à qu'est-ce qui est muhkam, dans le but de faire en sorte que le terme ou le mot ou l'explication soit, la chose soit clarifiée en elle-même. Donc on ramène le mutashabih au muhkam, puis il devient clair. Ensuite il dit fal muhkam ma la yahtaju ila ma'rifati ma'nahu ila ghayrihi, ma la yahtaju fi ma'rifati ma'nahu ila ghayrihi, wal mutashabih ma yahtaju fi ma'rifati ma'nahu ila ghayrihi, fa kullu nassin shar'i dalla zahiru lafzihi ala ma'nan ghayr murad shar'an فهو من المتشابه يحتاج إلى أن يرد إلى النصوص المحكمة ليفهم على وجهه المراد. Donc tout texte de la charia qui prouve, qui indique un sens, qui indique en apparence dans le mot qui est employé quelque chose qui n'est pas voulu selon la charia, on le classe dans qu'est-ce qui est mutashabih, qu'est-ce qui est équivoque et qui peut prêter à plusieurs interprétations. Et ce terme qui est équivoque, il nécessite, pour qu'on arrive à le comprendre et pour qu'on comprenne le sens voulu de ce texte par exemple, d'autres textes qui sont clairs et explicites, dans le but de faire, d'arriver à comprendre qu'est-ce qui est voulu par ce texte et par le sens apparent de ce texte. وكل نص دل ظاهره على معنى صحيح ولكن يحتاج إلى ما يفسره ويبينه، فالأخذ به دون الرجوع به إلى ما يبينه أخذٌ بالمتشابه. Le Cheikh explique aussi un autre détail. Il dit que tout texte qui en apparence indique une signification qui est correcte, toutefois, dans le but de le clarifier et de l'expliquer, on a besoin de quelque chose d'autre. Si on le prend tel quel, sans le ramener aux autres textes qui vont le clarifier, on dit, dans ce cas-là, de la personne qui le prend tel quel sans le ramener au muhkam, que cette personne-là, elle a pris le mutashabi, ou elle s'est limitée au mutashabi. Ça, c'est pas permis de prendre ou de suivre qu'est-ce qui est équivoque. C'est pas permis. وكل نص دل ظاهر لفظه على معنى مراد للشرع وبيانه فيه فهو محكم. Donc tout texte dont le mot apparent en lui-même indique la signification qui est voulue par la charia et qui le clarifie, donc dans ce cas-là, ça, on dit que c'est muhkam. فإن قيل لما سمي الأخذ بظاهر اللفظ اتباع للمتشابه مع أن الأصل هو فهم القرآن والسنة النبوية على ظاهرها. فالجواب الأخذ بالظاهر عند العلماء يعنون به الظاهر المراد وهو ما ترجح أن المقصود من الكلام أو لم يأتي قصد يخالفه إذ الظاهر في كل لفظ بحسب متعلقه. Donc le cheikh il dit, donc si on a compris tout ça, si quelqu'un disait par exemple, par rapport à qu'est-ce qu'on vient d'expliquer, que pourquoi le fait de pourquoi on a dit tout à l'heure que de prendre le texte apparent de la charia, ça on l'appelle mutashabih. Hein? Pourquoi de prendre le texte apparent, c'est de prendre le mutashabih. Alors qu'à la base, on doit comprendre le Coran et la Sunna dans son sens apparent. Donc comment on peut dire que ça c'est de suivre le mutashabih? Parce qu'on a dit tout à l'heure que de prendre un texte dans son sens apparent, mais qui nécessite quelque chose d'autre pour qu'il soit clarifié, si tu le prends tel quel sans le ramener à qu'est-ce qui le clarifie, dans ce cas-là, tu as pris qu'est-ce qui est équivoque, qu'est-ce qui est mutashabih. Donc pourquoi on dit ça? Alors que dans l'islam, dans la charia, on est ordonné de prendre le sens apparent. Le cheikh, il répond. Et il dit que la réponse à ça, en fait, c'est que de prendre le sens apparent chez les ulama, quand ils disent qu'on doit prendre le sens apparent de la révélation, on veut dire le sens apparent qui est voulu par la charia. C'est-à-dire que c'est le sens apparent dans le sens que c'est le sens qui est voulu de ce sens apparent-là. Et non pas juste le sens apparent. C'est-à-dire on se limite juste au sens apparent. Non. On se limite au sens apparent lorsqu'on sait que qu'est-ce qui est mentionné dans ce texte apparent, c'est ce qui est voulu par la charia. Ou bien qu'il n'y a pas un autre texte qui est venu l'opposer. Donc dans ce cas-là, on va prendre le texte apparent s'il est clair, dans le sens que c'est qu'est-ce qui est voulu par la charia, et il n'y a pas d'autres textes qui sont venus l'opposer ou le contredire dans son sens apparent. Et le cheikh explique, il dit وضابطه أن يجرى النص على ظاهره الذي هو الظاهر في عرف سلف الأمة لا يحرف الكلم عن مواضعه ولا يلحد في أسماء الله تعالى ولا يقرأ القرآن والحديث بما يخالف تفسير سلف الأمة وأهل السنة بل يجرى ذلك على ما اقتضته النصوص وتطابق عليه دلائل الكتاب والسنة وأجمع عليه سلف الأمة فهذا الظاهر هو المقصود في قولهم الأصل البقاء على الظاهر ولا يجوز صرف اللفظ عن ظاهره إلا بدليل فليس كل تفسير للفظ بخلاف ما يظن أنه الظاهر هو صرف لللفظ عن الظاهر فتنبه ففرق بين ظاهر اللفظ وبين الظاهر المراد الأول لا يتبع إلا إذا تبين أن معناه هو المراد شرعا فيصبح عندها ظاهر اللفظ هو الظاهر المراد. Ok, donc le cheikh explique la règle pour comprendre en fait qu'est-ce qui est le sens apparent. Quand on parle du sens apparent, il y a des gens qui comprennent mal qu'est-ce que ça signifie. Puis dans d'autres cours, on l'a déjà expliqué. On a expliqué que le sens apparent, c'est pas juste de prendre le verset, comme certains des gens de Bid'a aujourd'hui qui disent, on prend le texte, c'est-à-dire il faut pas prendre le sens littéral du texte. Hein, ou prendre le texte, le Coran et la Sunna à la lettre et l'appliquer à la lettre, ou bien de façon littéraliste, hein, comme certains aujourd'hui qui disent que les salafis par exemple sont littéralistes, hein, et que ça c'est de prendre le sens apparent seulement de la révélation, et ils disent que eux ils ne suivent pas le sens apparent et ils suivent disons l'esprit du texte, hein, et non pas l'esprit, ou non pas le texte lui-même, ou l'esprit de la lettre et non pas la lettre elle-même, ou des choses de ce genre. Yanni, souvent ça c'est uniquement de la poudre aux yeux, hein, des belles paroles, et c'est de la philosophie parfois, alors que la réalité c'est pas ça. Quand on parle de, le cheikh explique la règle pour faire comprendre que quand on parle du sens apparent, ça veut pas juste dire de prendre le texte à la lettre comme ces gens-là le prétendent, ou comme ils nous accusent, hein, d'être en train de le faire. Puisque de prendre le sens apparent, c'est pas juste de prendre un verset ou un hadith puis d'essayer de l'appliquer tel quel. Il faut, comme les ulama ont expliqué et comme le cheikh il l'explique plus loin, ramener tous les versets et tous les hadiths qui parlent d'un même sujet, de les mettre ensemble, dans le but de les étudier, de les comprendre et de les appliquer dans sa compréhension, selon la compréhension des salafs de la Ummah. C'est ça de prendre le sens apparent des textes. C'est pas juste de prendre le sens apparent dans le sens que tu prends le sens apparent d'un seul verset ou d'un seul hadith. Et c'est pour ça que le cheikh il fait la distinction entre le sens apparent et le sens apparent voulu. D'accord? Donc le sens apparent, c'est le sens qu'est-ce que tu vois dans le hadith ou dans le verset, sans le ramener aux autres qui l'expliquent, quand c'est quelque chose qui est mutashabé. Et le sens apparent voulu, c'est le sens apparent lorsque tu as mis tous les textes et les versets ensemble, et les hadiths ensemble, et que tu les comprends dans qu'est-ce qui est voulu par Allah subhanahu wa ta'ala et par son messager, dans son sens complet. Ça, c'est le sens apparent qui est voulu. Et donc, c'est ça là. C'est ça en fait le point que le cheikh essaie de faire comprendre. Et donc il dit qu'il faut prendre les textes selon leur sens apparent, tels qu'ils sont connus et appliqués par les salafs de la Ummah. Et donc on n'a pas le droit de déformer la parole de son sens, de son contexte, hein, comme le font les gens de Bid'ah. Et on n'a pas le droit non plus de falsifier ou de déformer ou de dénaturer les noms d'Allah subhanahu wa ta'ala et les attributs d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et on n'a pas le droit non plus de lire le Coran et de lire les hadiths d'une manière qui est dans leur interprétation, d'une manière qui contredit ce que les salafs de cette Ummah ont ramené ou ce que les gens de la Sunna ont ramené, Ahl Sunna. On doit plutôt prendre les textes tels quels et les appliquer selon ce que les textes du Coran et de la Sunna ont indiqué et selon ce que les salafs de cette Ummah ont accepté en général, c'est-à-dire de façon le consensus, les choses sur lesquelles les salafs se sont mis d'accord et ils étaient en consensus à leur sujet. Donc ça c'est une chose très très importante à comprendre. Et ça, c'est notre voie. C'est pas comme ceux qui disent, par exemple, comme ils font la distinction entre le texte et le contexte. Et ils disent que il y a les savants du texte, puis il y a les savants du contexte. Hein? Puis ils essaient de jouer avec la tête des gens en utilisant ces expressions-là pour faire croire aux gens que eux, ils n'ont pas seulement compris le texte, c'est-à-dire le Coran et la Sunna, mais en plus, ils prétendent avoir compris le contexte. Ils parlent du contexte social, ou du contexte politique, ou du contexte économique, ainsi de suite. Et ils jouent avec ça. Bien entendu, ils prétendent, eux, être les savants du contexte, mais malheureusement, ils n'ont pas vraiment la compréhension du texte, puisqu'ils n'ont pas étudié avec les ulama de l'islam. Donc, ils ont étudié dans les universités, comme les Ikhwan, ils étudient dans les universités des kuffars, et ils connaissent la politique des kuffars, et l'économie des kuffars, et les sciences humaines, ainsi de suite. Donc, ils s'imaginent que ça y est, ils sont des ulama de ces sciences-là. Et ils pensent qu'avec ça, ils peuvent dépasser les ulama de la charia et émettre des verdicts dans la religion et se placer à la place des ulama de l'islam. Allah musta'an. Et ensuite, ils rentrent dans le Coran et dans la Sunna, ils déforment les textes du Coran et de la Sunna pour qu'ils soient en accord avec leur passion, et ils prétendent qu'en faisant ça, ils ont appliqué le texte selon leur contexte. Et bien entendu, qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont plutôt déformé le texte pour qu'il soit en accord avec leur passion. Et ça, c'est pas la voie des salafs, bien entendu. Donc le cheikh, il dit fa dhahiru huwa al maqsoud fi qawlihim, fa hadha al dhahiru huwa al maqsoud fi qawlihim. Donc quand on parle de suivre le sens apparent, on a expliqué tout à l'heure que c'est de suivre le sens apparent voulu selon les principes et les points qu'on vient juste d'expliquer tout à l'heure. Donc à la base, on garde tous les textes dans leur sens apparent et on les accepte dans leur sens apparent. Et il n'est pas permis de les détourner de leur sens apparent, excepté avec une preuve. Donc, ce n'est pas toute interprétation d'un mot ou d'un texte d'une manière qui contredit ce qu'on prétend ou ce qu'on s'imagine être le sens apparent, qui est réellement de faire sortir ou d'interpréter le texte en dehors de son sens apparent. Et ça, c'est important aussi de le faire comprendre. Parce que des fois, justement, certains gens de bid'ah, ils vont s'imaginer que certains salafs n'ont pas accepté ou appliqué certains textes dans leur sens apparent. Ils pensent qu'ils ont interprété certains textes d'une façon qui est opposée ou contraire à son sens apparent. Pourquoi? Parce que ils n'ont pas compris que le sens apparent pour les salafs, c'était pas nécessairement son sens apparent en tant que tel, mais c'était plutôt son sens apparent voulu. Hein? Une fois qu'on les a ramenés tous les textes ensemble et qu'on les a compris comme il faut. Et c'est pour ça que le cheikh dit qu'il n'est pas permis de faire sortir un texte de son sens apparent excepté avec une preuve. Donc quand un texte est mutashabih, qu'il est équivoque, ben, on va le prendre dans son sens apparent en le ramenant aux autres textes qui viennent le clarifier. Et dans ce sens-là, on prend le texte dans son sens apparent qui est voulu. Donc c'est un petit peu peut-être mélangeant pour quelqu'un qui entend ces explications-là pour la première fois, mais une fois qu'on devient familier avec ces explications-là par la suite, eh bien, ça devient clair et c'est en réalité assez simple à comprendre, inshallah. Donc, le cheikh dit, il y a donc une différence entre le sens apparent et le sens apparent voulu. Le premier, on ne doit pas le suivre, excepté lorsque sa signification a été clarifiée et qu'on a été certain que c'est le sens qui est voulu selon la charia. Et donc, dans ce cas-là, ça devient quelque chose qui est apparent et qui est voulu en même temps. Donc, le sens apparent qui est voulu. Donc, on n'a pas le droit de suivre un texte qui est apparent, excepté si on est clair à son, au sujet de ce qui est voulu par ce texte-là. Et ensuite, le cheikh, il mentionne les paroles de l'imam Ibn al-Qayyim dans son livre « I'lam al-muwaqqa'in an Rabbil Alamin » qui est un livre qui clarifie les principes de Usul al-Fiqh et qui clarifie les choses selon les explications des salafs. Donc c'est très très intéressant ce livre-là. Et il dit dans son livre « I'lam al-muwaqqa'in » le volume 3, page 108-109, il dit وقال ابن القيم رحمه الله إذا عرف هذا فالواجب حمل كلام الله ورسوله وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره وحمل كلام المكلف على ظاهره الذي هو ظاهره وهو الذي يقصد من اللفظ عند التخاطب ولا يتم التفهيم والفهم إلا بذلك ومدعي غير ذلك على المتكلم القاصد للبيان والتفهيم كاذب عليه. Donc, qu'est-ce qu'il explique le Cheikh Ibn al-Qayyim, l'imam Ibn al-Qayyim, dit si on a compris tout ça, donc qu'est-ce qui est obligatoire de faire, c'est de prendre la parole d'Allah et de son messager, hein, et de prendre la parole de la personne qui est responsable dans son sens apparent, hein, et c'est ce qui est voulu par toute parole lorsqu'on s'adresse à quelqu'un. Parce qu'on ne peut pas arriver à comprendre ou à se faire comprendre, excepté si on utilise cette façon-là. Et quiconque essaie de prétendre que ce serait autrement, c'est-à-dire qu'on ne devrait pas prendre le sens apparent, toute personne qui essaie de prétendre qu'on ne doit pas prendre le sens apparent de la parole de quelqu'un lorsqu'il parle, eh bien, surtout quand on sait que cette personne qui parle est une personne qui veut clarifier et se faire comprendre, alors c'est certain qu'il a menti à son sujet. N'importe quelle personne, quand il parle et qui veut se faire comprendre, est-ce qu'on peut prétendre que sa parole n'est pas sa parole, elle ne doit pas être prise dans son sens apparent, hein? C'est comme par exemple quelqu'un, si son père lui dit par exemple va au marché et ramène-moi des carottes, est-ce que quelqu'un a le droit de dire ah mais mon père qu'est-ce qu'il voulait, il voulait pas vraiment dire va acheter des carottes, en réalité qu'est-ce qu'il voulait dire, c'est va dehors prendre de l'air. Non, on ne peut pas faire sortir la parole de quelqu'un de son sens apparent comme ça, sauf s'il y a une preuve pour justifier que cette parole-là a autre que son sens apparent. Sinon, tu risques d'avoir une punition de la part de ton père, que tu lui as pas ramené. Qu'est-ce qu'il t'a demandé? Alors, il va être fâché contre toi, puis il va te disputer. Donc, ça, c'est un exemple. Et donc c'est comme ça. C'est la même. Si c'est le cas pour quelqu'un par rapport à une créature, par rapport à son père, lorsqu'il lui donne un ordre ou lorsqu'il lui demande de faire quelque chose, tu le prends dans son sens apparent, eh bien, que dire de la parole d'Allah et la parole de son messager, sallallahu alayhi wa sallam. Donc ça c'est quelque chose de, c'est juste un exemple. Ensuite, le Cheikh dit, ومن هنا يظهر لك أهمية أن تفهم نصوص الشرع على ضوء فهم السلف الصالح. Il dit le Cheikh que d'ici on peut comprendre l'importance de comprendre les textes de la charia à la lumière de la compréhension des salaf al-salih. Parce que c'est là que tu vas vraiment savoir qu'est-ce qui est voulu par la charia. Ensuite, le cheikh, il explique donc une question qui est, bon, disons, importante d'une certaine façon, parce que certains essaient de jouer avec ça aujourd'hui, souvent parce qu'on remarque que les hizbiyyins et les gens de bid'ah en général, parfois, ils vont mentionner cette question-là pour essayer de créer de la confusion ou des shubuhat avec ça. C'est la question de ce qu'on appelle « al-dhahiriyya ». Il y a un madhhab qu'on appelle le madhhab zahiri, qui est le madhhab de Abu Daoud al-Zahiri, ou bien Daoud al-Zahiri, et de l'imam Ibn Hazm, Ibn Hazm al-Andalusi, qui était lui aussi sur ce madhhab. Et ce madhhab, c'est un madhhab qui rejette le qiyas. Il rejette l'utilisation du qiyas. Donc le qiyas, dans la plupart des madhahib, il est accepté. La majorité des ulama, ils acceptent le qiyas et ils ont des preuves dans la sharia pour justifier l'utilisation du qiyas. Et on le retrouve dans tous les madhahib de Ahl Sunnah. Hein, l'imam Abu Hanifa, il l'a utilisé, et même que parfois il l'a utilisé de façon, il l'a utilisé d'une manière que certains ulama ont critiqué, parce que parfois il a utilisé un peu trop, ou un peu trop souvent, et il a été critiqué à cause de ça. Et il y a l'imam Malik, et l'imam Shafi'i et Ahmed, qui l'ont accepté également et qui l'utilisent, le qiyas. Et la majorité des ulama d'Ahl Sunna, ils utilisent le qiyas aussi, ils l'acceptent. Toutefois, les Zahiris, eux, ils le rejettent. Hein? Ils le rejettent en apparence, donc. Ils le rejettent en apparence, malgré que parfois même, ils y ont recours. Et certains, parfois, parmi les koufars, accusent Ibn Taymiyyah de faire partie de ceux qui rejettent le qiyas. Et ils ont tort là-dedans. Et c'est pour ça que c'est important, peut-être, de clarifier justement cette question-là. Le cheikh, il explique ici la différence entre le fait de prendre le sens apparent de la révélation et le fait d'appartenir au madhhab des Zahiriyyah. Parce que certains essaient d'accuser les salafis parce qu'ils suivent Ahl-Sunnah wal-Jama'ah, parce qu'ils prennent le sens apparent de la révélation. À cause de ça, on veut les appeler des gens, on les appelle des Zahiriyyah. Parce que Zahiriyyah, ça vient de hein, le mot zahir. Et zahir, ça veut dire qu'est-ce qui est apparent. Donc, il joue avec le mot, puisque le mot implique de prendre le sens apparent, en apparence. Donc, il s'imagine que c'est pour ça qu'on les appelle zahiriyah, parce qu'ils prennent uniquement le sens apparent. Et ils jouent avec ça. Et ils appellent les salafis des zahiriyah parfois. Hein? Et c'est pas ça que ça signifie. Lorsqu'on dit qu'on prend le sens apparent, ça veut pas dire qu'on fait partie du madhhab zahiri ou qu'on est sur le madhhab de Ibn Hazm al-Andalusi. D'accord? Il faut comprendre, il y a une différence entre les deux. Quand la majorité ou tous les imams d'Ahl Sunna, ils ont pris les textes du Coran et de la Sunna dans leur sens apparent, sans faire partie du madhhab zahiri, parce qu'il y a une différence entre les deux. Et c'est ça que le cheikh explique. Il dit in qila ma al farq bayna zahiriyya al madhmouma wa ma alayhi ahl sunnah wa ma alayhi ahl al ilm wa jumhur ahl al hadith. Donc si on vous demande quelle est la différence entre la zahiriyya qui est blâmée et entre ce que les ulama, les hommes de science et la majorité des hommes du hadith, les gens du hadith, ont adopté comme position par rapport à ce qui est apparent dans la révélation. Et le cheikh il clarifie. Hein? Il dit Al-Jawab, محل النزاع بين ظاهرية وجمهور أهل الحديث هو هل الاعتبار بظواهر الألفاظ والعقود وإن ظهرت المقاصد والنيات بخلافها أم للمقاصد والنيات تأثير يوجب الالتفات إليها ومراعاة جانبها وقد تظاهرت أدلة الشرع وقواعده على أن القصود معتبرة في العقود والألفاظ في العقود والأفعال والألفاظ والعبادات والنبي صلى الله عليه وسلم قد قال كلمتين كفتا وشفتا تحتهما كنوز العلم وهما قوله صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Donc le cheikh, il commence sa réponse en disant que le point de divergence entre le madhhab des Zahiriyya et la majorité des ulama de Ahlul Hadith, c'est est-ce que on doit prendre en considération les sens apparents de la révélation dans les contrats, même si les buts et les objectifs et les intentions sont en contradiction avec ceci, ou bien est-ce que les objectifs et les intentions ont un effet, et est-ce qu'on doit les prendre en considération? Donc en fait, c'est ça le point de divergence. Est-ce qu'on doit prendre en considération l'intention et les objectifs dans les contrats et dans les paroles et dans les actions et dans les adorations ou non? Est-ce que ça a un effet dans les contrats ou non? Et dans les paroles ou non? Et le cheikh, il explique que les preuves de la charia, de même que les principes de la charia, indiquent tous que les intentions et les objectifs dans les contrats, dans les actions, dans les paroles et dans les adorations doivent être pris en considération. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit en deux phrases, des paroles, deux phrases et deux paroles qui sont suffisantes et qui remédient à toutes ces questions-là, qui clarifient ces choses-là de façon claire. Et ces deux phrases sous lesquelles il y a des trésors de science. Et ce sont les deux phrases suivantes. إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. Les actions ne valent que selon leurs intentions, et chacun aura selon ce qu'il a eu comme intention. Ça, c'est le hadith bien connu rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Donc le cheikh, il explique: فبين في الجملة الأولى أن العمل لا يقع إلا بالنية ولهذا لا يكون عمل إلا بنية. والثاني ثم بين في الجملة الثانية أن العامل ليس له من عمله إلا ما نواه وهذا يعم العبادات والمعاملات والأيمان والنذور وسائر العقود والأفعال. والمقصود أن الظاهرية راعوا ظواهر الألفاظ ولم يراعوا المقاصد والمعاني بخلاف جمهور أهل الحديث. Donc le cheikh il dit que dans ce hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, dans la première phrase, il explique que l'action ne peut être faite que par une intention, et tu n'auras de récompense que selon l'intention qui est derrière cette action-là. Donc, il ne peut y avoir d'action sans intention. Et la deuxième partie, c'est que la personne qui a fait cette action-là, eh bien, elle sera jugée selon son intention. Et ça, c'est dans tous les aspects que ce soit dans les adorations, dans les interactions, le mariage, le divorce, ainsi de suite, dans les serments, dans les vœux, dans les contrats et dans les actions, dans tout en général. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire? C'est quoi le but de tout ça? C'est de clarifier en fait que les Zahiriyya, ce qu'on appelle les Zahiriyya, comme Ibn Hazm, Al-Andalusi et ceux qui ont suivi sa voie, eux, ils se sont uniquement limités aux termes et au sens apparent des mots, sans prendre en considération les objectifs et les significations, contrairement à la majorité des savants de Ahlul Hadith. Donc, ça vient expliquer et clarifier et réfuter que les salafiyins et que les ulama d'Ahlul Sunnah, contrairement à ce que certains essaient de prétendre à leur sujet, que c'est pas vrai qu'ils ne prennent pas en considération les objectifs et les intentions et les significations derrière les textes. C'est, ça c'est un mensonge contre les gens d'Ahl-Sunnah et contre les Salafiyin. Hein? Et de les appeler des Zahiriyah, c'est de faire un mélange et de confondre entre la vérité et le faux. Puisque, hein, ils ne sont pas parmi les Zahiriyah. Et justement, Ibn al-Qayyim al-Jawziyya, il réfute les Zahiriyah dans son livre Alam al-Muwaqqi'in, et également, Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah, il les réfute à plusieurs endroits dans Majmu' al-Fatawa et dans d'autres livres également. Donc ça c'est à ce sujet. Donc ça c'est pour réfuter en même temps ceux qui prétendent que parmi les koufars et les orientalistes et les islamologues soi-disant qui essaient de prétendre qu'Ibn Taymiyyah rejette le qiyas ou des choses comme ça, ou qu'il ferait partie des zahiriyah. Parce que comme on a expliqué tout à l'heure, pour eux zahiriyah c'est quoi? C'est de prendre le sens apparent. Et on a expliqué que de prendre le sens apparent, c'est pas ça, c'est pas quelque chose qui se limite yani aux Zahiriyah, c'est quelque chose que tous les ulama d'Ahl-Sunnah ont accepté, sauf que quand on parle du sens apparent chez les gens d'Ahl-Sunnah, on parle pas juste de prendre le sens apparent seulement, mais plutôt le sens apparent qui est voulu par la charia, par les textes. قلت فالأخذ بظاهر اللفظ دون اعتبار للمراد من اللفظ بحسب التفسير الوارد من السلف الصالح هو اتباع للمتشابه لأن ظاهر اللفظ في هذه الحالة غير ظاهر المراد. Donc le cheikh il dit de prendre le sens apparent sans prendre en considération le tafsir des salaf, hein, et la signification des salaf salih, ça veut dire que c'est de suivre qu'est-ce qui est équivoque et de suivre qu'est-ce qui est mutashabi. Si quelqu'un prend le sens apparent sans la compréhension des salaf, il a suivi qu'est-ce qui est mutashabi. Donc tous les gens qui se détournent de la compréhension des salaf, ce sont des gens qui suivent qu'est-ce qui est mutashabi. Parce que le sens apparent d'un texte, dans ce cas-là, c'est pas le sens apparent qui est voulu par la charia. Ok, donc on a fini avec ce point numéro 2. Maintenant, on commence le point numéro 3. Et ça, c'est un point très très important. C'est la règle de Ahl-Sunnah wal-Jama'a au sujet de la compréhension des textes. Comment les gens d'Ahl-Sunnah et comment les gens qui suivent la voie des salaf, les salafiyoun, c'est quoi la règle qu'ils suivent pour comprendre les textes de la révélation et de la religion? الشيخ يكسبليك قاعدة أهل السنة والجماعة في فهم النصوص الاستدلال بالدليل يحتاج إلى أربع خطوات oui c'est ça. Donc le cheikh il dit que le fait d'utiliser et de prendre une preuve dans la religion, pour établir une preuve il faut suivre 4 étapes. Pour utiliser un texte comme une preuve, il faut, ou ça nécessite, 4 étapes. Le fait d'utiliser un texte dans le but de prouver quelque chose dans la religion, ça nécessite 4 étapes. La première, al-oula, an-nazar fi thubut al-dalil. Donc la première, c'est de vérifier l'authenticité de la preuve. الثانيه النظر في صحه الاستدلال. C'est-à-dire deuxièmement c'est de vérifier si l'argumentation ou la chose qu'on essaie de prouver est correcte, c'est-à-dire la façon dont on utilise ce texte pour prouver la question, est-ce qu'elle est correcte cette façon, hein? Est-ce que c'est un texte qui se rapporte réellement à cette question là oui ou non, celle qu'on essaie de prouver. الثالثة النظر في سلامته من الناسخ. Troisièmement c'est de vérifier si ce texte est exempt de tout autre texte abrogeant, c'est-à-dire de vérifier s'il n'y a pas un autre texte qui viendrait abroger ce texte qu'on utilise pour essayer de prouver ce qu'on veut. Et quatrièmement, الرابعه النظر في سلامته من المعارض. C'est-à-dire, on vérifie si ce texte est exempt de toute opposition, s'il n'y a pas d'autre chose qui vient s'y opposer. Dans les preuves de la charia. النظر في سلامته من الناسخ. Nasir, c'est différent du quatrième. C'est-à-dire, l'abrogeant, c'est par rapport, on va le voir, par rapport au temps. C'est-à-dire, c'est lorsqu'on est capable de distinguer qu'il y a un texte qui était révélé avant, puis l'autre après. Tandis que l'autre, le quatrième, c'est pas nécessairement par rapport au temps. Il n'y a pas d'indication nécessairement par rapport au temps. Mais ça, bon, on va y revenir. Le cheikh, maintenant, il montre les preuves à ce sujet-là et les explications à ce sujet-là. Il dit, بهذه الخطوات يكون الدليل من القرآن العظيم والسنة النبوية دليلا صحيحا. Donc, si on a suivi ces quatre étapes, ça veut dire que dans ce cas-là, on a réellement établi une preuve du Coran et de la Sunna, et c'est une preuve qui est correcte et valable. Mais en d'autres cas, ce sera pas c'est pas le cas. Si on n'a pas suivi cette démarche, alors dans ce cas-là, on n'a pas établi une preuve du Coran et de la Sunna. وقد قرر العلماء أن البقاء على الأصل هو المتعين حتى يجيء دليل صحيح صريح سالم من المعارضة يصلح للنقل عن الأصل. Donc les ulama ont confirmé la règle que à l'origine, la base c'est qu'on reste, ou bien plutôt que de rester sur la base, c'est ça qui est obligatoire jusqu'à ce qu'il y ait, c'est-à-dire de rester sur l'origine d'un verdict, c'est ça qui est obligatoire jusqu'à ce qu'il vienne une preuve qui est clair et explicite et authentique, qui est exempte de toute opposition et qui viendrait faire sortir ce texte de cette base-là ou de cette origine-là. Donc, lorsque quelque chose est établi sur une base, on ne peut pas la faire sortir de cette base-là, excepté s'il y a un autre dalil qui est clair et explicite et authentique, qui est exempt de toute opposition pour le faire sortir de cette base-là. Il dit, وَقَرَّرُوا أَنَّ فَهْمَ النَّصِ الشَّرْعِ لَا يَتِمُّ إِلَّا بِجَمْعِ النُّصُوصِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِمَوْضُوعِهِ وأخذ المعنى من مجموعها فلا يصح أن يأخذ المستدل بنص ويترك الآخر بل الواجب عليه رد المتشابه إلى المحكم ويفهمه على ضوئه وإلا كان داخلا في قوله أفتؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون. Donc le cheikh il explique ici que les ulama ont expliqué que pour comprendre un texte, on peut pas y arriver excepté que on a, comme je disais tout à l'heure, ramené tous les textes qui se rapportent à ce sujet-là ensemble, et de prendre la signification qui sort de tous ces textes réunis ensemble. Parce que c'est pas correct de prendre c'est pas correct qu'une personne qui essaie de prouver quelque chose prenne un texte seul et laisse les autres qui s'y rapportent. Qu'est-ce qui est obligatoire? C'est plutôt de ramener tous les textes entre eux et de prendre qu'est-ce qui est mutashabih et de l'expliquer selon qu'est-ce qui est muhkam. De prendre qu'est-ce qui est équivoque et de le ramener à qu'est-ce qui est explicite dans le but de le comprendre à la lumière de ce qui est explicite. Sinon, la personne rentre dans ce que Allah a décrit dans le verset 85 dans Surat al-Baqarah. Allah il dit dans ce verset-là, est-ce que vous croyez à une partie du livre et vous reniez le reste? Alors, quelle sera la récompense de celui qui agit de cette manière, excepté l'ignominie, hein, l'humiliation dans cette vie d'ici-bas? Et au jour de la résurrection, ils seront ramenés au plus dur châtiment. Et Allah n'est certes pas indifférent de ce que vous faites. Ça, c'est le verset 85. Ensuite, il dit, وَقَوْلِهِ تَعَلَىٰ إِنَّ الَّذِينَ يَكْفُرُونَ بِاللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيُرِيدُونَ أَنْ يُفَرِّقُوا بَيْنَ اللَّهِ وَرُسُلِهِ وَيَقُولُونَ نُؤْمِنُ بِبَعْضٍ وَنَكْفُرُ بِبَعْضٍ وَيُرِيدُونَ أَنْ يَتَّخِذُوا بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا. Hein? Donc le cheikh, il dit, ça c'est le verset 150 dans Surat An-Nisa, et pour ne pas qu'il rentre dans le verset 150 dans Surat An-Nisa également, dans lequel Allah a dit, ceux qui ont rejeté la foi en Allah et en son messager, et qui veulent faire une séparation entre Allah et ses messagers, et qui disent, nous croyons en certains d'entre eux et nous renions certains d'entre eux, et ils veulent prendre une voie entre les deux. Hein? Ils croient en certains et ils rejettent les autres, comme dans le verset précédent. Est-ce que vous croyez en certains versets et vous rejetez les autres? Donc celui qui ramène pas le muhkam au mutashabih, il va tomber dans ça. Il va tomber dans cette attitude-là, de prendre une partie du livre et de rejeter le reste. L'autre, c'est le verset 150. Dans son... Ah oui. Donc, celui qui ramène pas le mutashabih au muhkam, il tombe dans ce genre d'attitude-là et de ce genre de comportement-là de la part des kuffars. Puisque les kuffars, c'est ce qu'ils font. Ils prennent une partie de la révélation, une partie du livre, comme les juifs par exemple et les chrétiens, ils prennent une partie de la religion, puis ils rejettent le reste. Donc celui qui prend pas qu'est-ce qui est mutashabih pour le ramener au muhkam dans le but de le comprendre, il va penser qu'il y a une contradiction dans la religion. Et il va prendre une partie des textes et va les utiliser contre une autre partie. Et c'est ça ce qu'on remarque de la part des gens de Bid'a aujourd'hui. C'est ce qu'ils font. Ils prennent une partie des textes de la religion pour les frapper contre d'autres textes, soit des hadiths ou des versets dans le Coran. Hein? Et donc c'est ça. Le cheikh il dit ensuite, وَقَدْ وَصَفَ اللَّهُ عَزَّ وَجَلْ أَهْلَ الْبَاطِلِ بِأَنَّهُمْ أَهْلُ اتِّبَاعٍ لِلنَّصِ وَلَكِنْ للمتشابه دون المحكم فقال تبارك وتعالى هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فتأمل قوله تعالى فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فقد وصفهم بأنهم أهل اتباع في قوله فيتبعون ولكن أهل اتباع للمتشابه لا للمحكم. Donc le cheikh il explique que Allah subhanahu wa ta'ala a décrit les gens du mensonge et de la fausseté en disant que ce sont des gens qui suivent les textes. Sauf que ils suivent qu'est-ce qui est équivoque et non pas ce qui est explicite et clair. Ok? Ils suivent les textes, mais ils suivent dans les textes uniquement ce qui peut prêter à diverses interprétations. Et ils laissent de côté ce qui est clair et explicite et qui ne peut avoir qu'une seule signification. Donc c'est ça la voix des gens de Bid'a et des gens d'égarement aujourd'hui. Hein? Ils disent, nous on se base sur le Coran et la Sunna. Oui, vous vous basez sur le Coran et la Sunna, mais sur qu'est-ce qui est mutashabih dans le Coran et la Sunna, et non pas sur qu'est-ce qui est muhkam. Et c'est pour ça que tu les vois toujours en train d'utiliser des textes qui sont généraux et non spécifiques pour essayer d'établir des principes et des règles, et ils mettent de côté tout ce qui est clair et détaillé sur ces questions-là. Comme par exemple, Hein, juste un exemple, quelqu'un qui veut prouver que il essaie de prouver que les hommes et les femmes ont le droit d'être mélangés entre eux et de faire de la mixité, en prenant un hadith qui parle, par exemple, d'un autre sujet qui n'a même pas aucun rapport avec la mixité, mais il va l'utiliser pour prouver ça, et il laisse de côté tous les autres textes du Coran et de la Sunna qui sont clairs et explicites sur cette question-là. Hein? L'exemple, comme certains ont mentionné, par exemple, le fait que il y a un hadith qui mentionne que à un moment donné, il y avait des hommes et des femmes qui mangeaient, et le hadith parle de la permission de manger la viande du lézard, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam mangeait avait refusé de manger la viande du lézard, et il était en présence de d'autres parmi les sahaba. Et il y avait des femmes, mais il n'y a aucune mention du fait qu'ils étaient mélangés. Mais certains utilisent ce hadith-là pour essayer de prouver que les hommes et les femmes mangeaient et puis ils étaient ensemble, soi-disant. Bien entendu, ce n'est pas une preuve, puisqu'il y a d'autres textes explicites et clairs sur cette question-là qui prouvent que les hommes et les femmes n'ont pas le droit de se mélanger dans l'islam. Donc ça c'est des exemples d'utilisation des textes en dehors de leur sens réel et de les utiliser quand ils sont mutashabih, ils ne sont pas explicites, ils peuvent être interprétés différemment. Bon, donc le cheikh il dit ensuite, le verset 7 dans surat Al-Imran, et c'est une référence sur ce sujet-là, quand on parle de qu'est-ce qui est muhkam et mutashabih, par rapport à l'utilisation des gens de bid'ah de ces textes mutashabih qui ont plusieurs significations, c'est le verset 7 dans surat Al-Imran. Allah subhanahu wa ta'ala, il dit dans ce verset-là, c'est lui, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont muhkamat, c'est-à-dire qui sont explicites, qui ne peuvent avoir qu'une seule signification, et ces versets-là sont les bases du livre. Tandis qu'il y en a d'autres versets qui sont mutashabihat, c'est-à-dire qui peuvent être compris de différentes façons, de diverses façons, qui peuvent avoir plusieurs interprétations. Ensuite, il dit, et ceux qui ont une maladie, une déviation dans leur cœur, ils suivent uniquement ce qui est ambigu, ou bien ce qui est équivoque, qui peut avoir différentes significations, il y en a qui fait partie des mutashabih. Il dit fayattabi'una ma tashabaha. C'est qu'est-ce qui est mutashabih? Ma tashabaha minhu ibtigha al-fitna. Il recherche à créer des problèmes, la fitna et de la dissension et de la division et toutes sortes d'autres problèmes, ils essaient de créer ces choses-là en suivant ce qui est mutashabih, et en essayant de l'interpréter. Alors que personne ne connaît la réalité de ces textes-là, excepté Allah et ceux qui sont fermement enracinés dans la science. Ils disent, nous y croyons, nous y croyons, tout cela vient de notre Seigneur. Et nul ne se souvient, excepté ceux qui détiennent la raison, ou qui sont doués de raison. Et le cheikh il explique ensuite, il dit, observez bien lorsque Allah subhanahu wa ta'ala dit, mais ceux qui ont une déviation dans le cœur cherchent uniquement à suivre ce qui est mutashabih, ce qui peut avoir différentes interprétations, en cherchant à faire la fitna et en cherchant à l'interpréter. Donc il dit ici que Allah les a décrits comme étant des gens qui suivent, en disant fayattabi'un. Donc suivre, ça veut dire c'est des gens qui suivent, et c'est pour ça que le cheikh dit, il les a décrits comme étant des gens de l'ittiba, c'est-à-dire ahlul ittiba, c'est-à-dire des gens qui suivent, fayattabi'un. Donc ittiba, yattabi'un, ça veut dire de suivre, mais ce sont des gens qui suivent quoi? Qui suivent qu'est-ce qui est mutashabih, et non pas qu'est-ce qui est muhkam. Après, le cheikh il mentionne l'explication de ce verset là dans le hadith de Aisha radiyallahu anha. An Aisha radiyallahu anha qalat tala rasulullah sallallahu alayhi wa sallam hadhihi al-aya هو الذي أنزل عليك الكتاب منه آيات محكمات هن أم الكتاب وأخر متشابهات فأما الذين في قلوبهم زيغ فيتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le cheikh explique que Aïcha radiallahu anha, elle a dit que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a récité le verset 7 dans Sourate Al-Imran. Et il a mentionné que, donc c'est le verset qui dit, c'est lui qui a fait descendre sur toi le livre. Parmi ces versets, il y en a qui sont clairs et ce sont les bases du livre. Tandis qu'il y en a d'autres qui peuvent avoir diverses interprétations, c'est-à-dire les mutashabihat. Ceux qui ont une déviation dans le cœur suivent ceux qui peuvent avoir différentes interprétations dedans en cherchant à faire de la fitna et en cherchant à trouver son à l'interpréter. Mais nul ne connaît son sens réel excepté Allah, et ceux qui sont fermement racinés dans la science disent que tout cela nous y croyons et tout cela vient de notre Seigneur, et nul ne se souvient excepté ceux qui détiennent la raison. قالت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا رأيت الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروهم. Donc le messager d'Allah صلى الله عليه وسلم après avoir mentionné ce verset là il a dit, lorsque vous voyez ceux qui suivent les versets qui peuvent avoir diverses interprétations, alors ceux là ce sont ceux dont Allah a parlé, ceux-là sont ceux que Allah a nommés, alors prenez garde à ceux-là. C'est un hadith qui est rapporté dans Al-Bukhari et Muslim également. Donc c'est un hadith authentique. Donc le cheikh il dit, وَقَالَ ابْنُ حِصَارِ قَسَمَ اللَّهُ آيات القرآن قسم الله آيات القرآن إلى محكم ومتشابه وأخبر عن المحكمات أنها أم الكتاب لأن إليها ترد المتشابهات وهي التي تعتمد في فهم مراد الله من خلقه في كل ما تعبدهم به من معرفته وتصديق رسله وامتثال أوامره واجتناب نواهيه وبهذا الاعتبار كانت أمهات ثم أخبر عن الذين في قلوبهم زيغ أنهم هم الذين يتبعون ما تشابه منه ومعنى ذلك أن من لم يكن على يقين من المحكمات وفي قلبه شك واسترابة كانت راحته في تتبع المشكلات والمتشابهات كانت راحته في تتبع المشكلات المتشابهات ومراد الشارع منها التقدم إلى فهم المحكمات وتقديم الأمهات حتى إذا حصل اليقين ورسخ العلم لم تبال بما أشكل عليك فمراد هذا الذي في قلبه زيغ التقدم إلى المشكلات وفهم المتشابه قبل فهم الأمهات وهو عكس المعقول والمعتاد والمشروع ومثل هؤلاء مثل المشركين الذين يقترحون على رسلهم آيات غير الآيات التي جاءوا بها ويظنون أنهم لو جاءتهم آيات أخرى أو آيات أخرى لآمنوا عندها جهلا منهم وما علموا أن الإيمان بإذن الله بإذن الله تعالى ما شاء الله. Ça c'est vraiment une belle explication. Ibn al-Hisar il dit dans son livre il a écrit un livre qui dit Tahzib wa tartib al-itqan. Ça doit être ça le livre. Oui, Tahzib wa Tartib al-Itqan. Il dit dans ce livre-là que Allah a divisé les versets dans le Coran en muhkam, mutashabih, explicite et équivoque. Et il a mentionné que qu'est-ce qui est explicite, c'est la base du livre, et c'est à ceci qu'il faut ramener les versets qui sont équivoques. Et c'est sur ceux-là qu'il faut se baser, c'est-à-dire sur les versets explicites qu'il faut se baser pour comprendre ce que Allah a voulu de sa création, dans tout ce qu'il leur a ordonné de faire comme adoration, et dans toute connaissance, dans tout ce qui a en soit avec la science, la connaissance, et dans tout ce qui est du fait de croire au messager et de respecter ses ordres et de s'écarter de ce qu'il a interdit. Et de cette manière-là, on peut dire que ces versets-là, les versets qui sont muhkamat, sont les bases du livre. Puis il nous a expliqué que par la suite, Allah nous informe qu'il y a des gens qui ont une déviation dans leur cœur. Et ce sont ceux qui suivent uniquement ce qui est équivoque dans le livre. Et ça signifie que, étant donné que ces gens-là n'ont pas eu de conviction en qu'est-ce qui est explicite dans le livre, et que dans leur cœur il y a le doute et l'incertitude, ils ont placé les versets qui sont ils ont dans leur cœur, ils ont le doute et l'incertitude par rapport aux versets explicites, et ils n'ont de repos que en suivant les versets qui sont équivoques, et qui sont pas clairs, ou bien qui peuvent avoir différentes interprétations. Tandis que ce que Allah subhanahu wa ta'ala veut par rapport à ces versets qui sont équivoques, c'est qu'on les ramène au verset explicite pour placer les versets qui sont explicites devant et de mettre les bases du livre en avant jusqu'à ce que quelqu'un ait atteint la certitude et la conviction en ces textes explicites et que la science ait été fermement enracinée. Alors, il n'a plus de problème par la suite, il ne se préoccupe plus par la suite de ce qui peut y avoir comme sens multiple ou différentes interprétations à ces versets qui sont équivoques. Puisque pour lui, qu'est-ce qui est le plus important, c'est qu'est-ce qui est explicite dans les versets et qu'est-ce qui est clair dans les muhkamat. Et qu'est-ce qui est, disons, équivoque, il le ramène aux bases du livre pour les comprendre. Tandis que les gens qui ont une déviation dans le cœur, ils ont placé les versets qui sont équivoques en avant. Et ils ont essayé de comprendre qu'est-ce qui est équivoque avant de comprendre les bases. Donc ça, c'est le contraire de ce qui est logique, le contraire de ce qui est habituel et le contraire de ce qui est légiféré par Allah subhanahu wa ta'ala. Et donc, il dit le cheikh, pour comparer l'attitude de ces gens-là, il dit ces gens-là sont comme les mouchriquins lorsque leurs messagers leur sont venus avec des miracles, des preuves. Eux, ils ont cru que si les messagers leur ramenaient d'autres miracles ou d'autres preuves que ceux que les messagers ont amenés, qu'ils allaient avoir la foi. Alors ils ont demandé au prophète, c'est ça, dans plusieurs versets, Allah subhanahu wa ta'ala, il mentionne que les mouchriquins demandaient aux messagers des miracles. Alors que les messagers leur ramènent plein de miracles, eux ils demandent d'autres miracles que ceux que les messagers ont ramenés. Donc, c'est ça que le cheikh explique ici. Et ça, c'est à cause de leur ignorance. Parce qu'ils n'ont pas compris que la foi vient uniquement par la permission d'Allah. Donc, ça, c'est la fin de la parole de l'imam Ibn al-Hisar. Ensuite, il dit, فهذه قاعدة أهل السنة والجماعة أنهم يردون المتشابه إلى المحكم فيفسرون بعض النصوص ببعض لأنها كلها كلام الله أو كلام رسوله أما أهل الزيغ فإنهم يأخذون المتشابه ويتركون المحكم فعلى المسلم ألا يندفع وراء ما يورد الآيات من ألا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد منه أي نعم فعلى المسلم ألا يندفع وراء من يورد الآيات والأحاديث على مقالته حتى يتأكد أنه من أهل العلم المعروفين المرجوع إليهم وإلا فقد يقع بين براثن هؤلاء الذين ذكرهم الله تعالى في الآية ممن يتبع الآيات المتشابهة ويلبسها على الناس ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله فتراه يورد الآيات والأحاديث على دعواه فإذا نظرت فيها رأيته يستدل بالمتشابه دون المحكم كما عليه أن لا يهجم على ما لا يعلمه خاصة ما كان من المتشابه في الكيفية كما في صفات الله تبارك وتعالى وليتأدب بأدب الراسخين في العلم وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم يقولون آمنا به كل من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب. Donc le Cheikh explique ici que c'est ça la règle d'Ahl Sunnah wal Jama'a, de ramener qu'est-ce qui est équivoque à qu'est-ce qui est explicite et de comprendre et d'interpréter les textes les uns par les autres. Parce que tous ces textes-là viennent d'Allah, et ce sont la parole d'Allah, ou bien la parole du messager. Par contre, les gens de la déviation, eux, ils prennent uniquement qu'est-ce qui est mutashabih, et ils laissent de côté ce qui est muhkam. Donc le musulman, il ne doit pas donc se laisser aller derrière les gens qui font juste citer des versets et des hadiths pour supporter leurs paroles, sans vérifier et sans être sûr, sans s'assurer que ces gens-là font partie des hommes de science qui sont reconnus, vers lesquels on retourne. C'est pas juste de voir quelqu'un quand il parle et dit qala Allah, qala Rasulullah, comme certains ils s'imaginent que ça suffit. Ah, mais lui il dit qala Allah, qala Rasulullah. Tous les gens de bid'ah disent qala Allah, qala Rasulullah. Mais est-ce qu'ils utilisent ces preuves-là? Et est-ce qu'ils se basent sur qu'est-ce qui est muhkam? Et est-ce qu'ils comprennent le mutashabih selon qu'est-ce qui est muhkam? Est-ce qu'ils ramènent les mutashabihat ou muhkamat pour les comprendre? C'est ça qu'il faut vérifier. Et ça, c'est uniquement les hommes de science qui sont capables de le faire. Donc, si tu veux pas tomber derrière les gens que Allah a mentionnés dans le verset 7 dans Surat Al-Imran, qui courent derrière qu'est-ce qui est équivoque, et qui essaie de déformer les sens pour des textes pour les gens en cherchant la fitna et en cherchant à les interpréter à tort et à travers, tu les vois par exemple qui vont citer des versets et des hadiths pour supporter leurs prétentions, et lorsque tu vérifies de façon plus méticuleuse et plus proche, tu vérifies que ils se basent uniquement sur qu'est-ce qui est équivoque et non sur ce qui est clair et explicite, comme les gens de takfir et les khawarij aujourd'hui. Tu les vois par exemple qui citent des versets et des hadiths pour essayer de justifier les actes terroristes qu'ils font et les meurtres et les tueries qu'ils font, alors que quand tu vérifies selon les principes et les règles de la charia et que tu ramènes ça à la compréhension des salafs, tu vois que les versets qu'ils utilisent et les hadiths n'ont rien à voir avec ce qu'ils font et ce qu'ils prétendent. Et ça, c'est sans oublier les paroles des ulama qu'ils prennent parfois en dehors de leur contexte pour essayer de justifier des choses qu'ils font et qu'ils déforment leur sens réel. Comme ceux, par exemple, qui se basent sur certaines fatwas de Cheikh al-Islam ibn Taymiyyah pour justifier certains actes ou certaines choses qu'ils font, alors qu'en réalité, les paroles qu'ils utilisent de Cheikh al-Islam n'ont rien à voir avec le contexte de ce qu'ils font eux aujourd'hui. Donc ça c'est des exemples, et souvent les kuffars aujourd'hui, même quand ils voient que quelqu'un mentionne le nom de Ibn Taymiyyah ou se réfère à Ibn Taymiyyah, eh bien à cause de ces gens de takfir et de ces khawarij, ils pensent que Ibn Taymiyyah fait partie de ces gens-là et qu'il était d'accord avec ce qu'ils font, alors que Ibn Taymiyyah est innocent de ces gens-là. Donc le cheikh dit ensuite, donc de la même manière que tu ne dois pas attaquer ce que tu ne connais pas, tu ne dois pas parler ou rentrer dans ce que tu ne connais pas, et en particulier qu'est-ce qui est mutashabih en ce qui concerne par exemple le commun des attributs d'Allah. Donc tu dois avoir bien entendu les bonnes manières, hein, les bonnes manières, et adopter le comportement des hommes de science qui sont fermement enracinés dans la connaissance de l'islam, qui disent qu'ils croient en tout ce qui est dans la révélation et que tout ça vient de notre Seigneur. Donc ça c'est l'exemple. Le cheikh il termine cette explication là ou ce point là en citant les paroles de Abu Ja'far, Imam al-Tahawi, Abu Ja'far, rahimahullah, il dit, فهكذا يكون أهل الحق في المتشابه من القرآن يردونه إلى عالمه وهو الله عز وجل ثم يلتمسون تأويله من المحكمات التي هن أم الكتاب فإن وجدوه فيها عملوا به كما يعملون بالمحكمات وإن لم يجدوه فيها لتقصير علومهم عنه لم يتجاوزوا في ذلك الإيمان به ورد حقيقته إلى الله تعالى ولم يستعملوا في ذلك الظنون التي حرم الله عليهم استعمالها في غيره وإذا كان استعمالها في غيره حراما كان استعمالها فيه أحرم. Donc le cheikh il mentionne les paroles de l'imam al-Tahawi dans son livre Mushkil al-Athar. Il dit que l'imam Abu Ja'far al-Tahawi rahimahullah a dit, donc c'est ainsi que les gens de la vérité agissent au sujet de qu'est-ce qui est mutashabih dans le Coran. Ils le renvoient ou ils le rapportent à celui qui le connaît, c'est-à-dire c'est Allah subhanahu wa ta'ala, celui qui connaît la signification de qu'est-ce qui est équivoque. Puis ensuite, donc après l'avoir renvoyé à Allah subhanahu wa ta'ala, ils essaient de chercher son interprétation dans qu'est-ce qui est clair et explicite parmi les muhkamat qui sont les bases du livre. Et s'ils le trouvent, donc s'ils trouvent la signification de ces versets-là dans les muhkamat, ils l'appliquent. Comme ils appliquent les muhkamat, s'ils trouvent les explications de ces mutashabihat dans les muhkamat, ils les appliquent comme ils appliquent les muhkamat. Mais s'ils ne les trouvent pas, à cause d'une limite de leur science, parce que leur science elle est trop restreinte, ils ne dépassent pas ce niveau-là, c'est-à-dire qu'ils ne vont pas parler au sujet de ce qu'ils ne savent pas. Et ils vont affirmer leur foi en ces textes-là. C'est-à-dire, même si tu ne le comprends pas, tu ne vas pas le nier, contrairement à ce que font aujourd'hui certains égarés. Quand ils ne comprennent pas quelque chose dans la religion, ils le renient. Non, les hommes de science, s'ils ne sont pas capables de trouver la signification de quelque chose à cause de leurs limites dans la science, ils ne le rejettent pas, ils l'affirment et ils y croient, et ils renvoient la réalité de ces choses-là, la réalité de ces textes-là à Allah subhanahu wa ta'ala, et ils n'utilisent pas leurs suppositions et leurs pensées, leurs idées dans ces textes équivoque, puisque Allah a interdit d'utiliser nos suppositions dans ces textes, dans ces choses-là, dans qu'est-ce qui est dans qu'est-ce qui est mutashabihat ou dans qu'est-ce qui est muhkam également. Donc si c'est interdit de l'utiliser dans qu'est-ce qui est muhkam, c'est encore plus interdit d'utiliser les suppositions dans qu'est-ce qui est mutashabih. Wallahu a'lam. Donc ça c'est qu'est-ce qui est expliqué dans les paroles de l'imam al-Tahawi. On va s'arrêter ici pour aujourd'hui, inshallah. Et on continuera l'explication du prochain point au prochain cours, inshallah. Et le prochain point c'est qu'est-ce qui est les catégories de mutashabih, les catégories de mutashabih par rapport à ses causes. Qu'est-ce qui est catégorie de mutashabih par rapport à ses causes et par rapport à son à sa place et à sa situation. En tout cas, on va voir ces différentes catégorisations que les ulama ont établies. Il y en a plein d'autres classifications et explications à ce sujet-là. On va voir ça dans les cours suivants, inshallah. On va élaborer plus. On s'arrête maintenant ici, inshallah. Subhanakallahu wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilayh. Barakallahu fiikum. Jazakumullahu khayran. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.